18. Premier amour. Ce n'était pas l'hiver, non, l'air brûlait ce jour-là. On célébrait une fête, un mariage dans une de nos familles bourgeoises. Une fête sans elle, un bal sans Marianne. C'était un soir sans lumière. On vint caresser la mère, cette mère qui ne souriait jamais qu'après sa fille. Sa fille elle-même fit une assez faible résistance, car de l'ange avait envoyé le plus frais chapeau, blanc, rose comme elle. Je le vois encore et ses yeux dessous comme deux étoiles sombres. On me mit du plaisir projeté, je n'en voulais pas, et je peignis tout le jour avec un acharnement que je pouvais appeler mon dernier bonheur. Le soir j'étais las, comme si j'eusse été à Rome. L'idée de m'y rendre enfin m'était revenue par la tête, et je versais de ma palette des flots de couleurs, des flots d'une espérance inquiète. J'avais je ne sais quoi ce jour-là. J'avais la fièvre, fièvre d'été, fièvre d'orage, fièvre de 20 ans et d'une solitude amère. Elle avait essayé 20 fois son chapeau rose et blanc, et 100 fois relu la lettre de Delange. Elle m'attendait pour la conduire au bal. Cela me contrariait comme un déplaisir. Quand on m'appela d'en bas, je n'étais pas habillé. J'avais mes pinceaux à la main, j'étais artiste, et pas du tout galant. « Léonard !» cria d'abord ma mère, et je parus au haut de l'escalier, dans mon déshabillé qui la fit rire. « Mais vous n'aurez pas le temps, dit-elle, voilà la voiture. » Alors elle, sa fille, enveloppée dans sa chère pelisse de satin bleu, qui protégeait sa parure de bal, ivre de son chapeau que je trouvais bizarre, elle ajouta du pied de l'escalier « Vous viendrez, Léonard ?» Ce n'était pas dans ma volonté. La peur de m'ennuyer à la danse me faisait trouver un charme infini à tout ce qui me ferait un prétexte de n'y point aller. « Je suis bien libre enfin, disais-je. D'ailleurs, j'avais à nettoyer mes pinceaux, à ranger mes cartons, où je retrouvais plein de poussière, et avec une honte qui alla presque aux larmes, ce prix. Sur parchemin, ce prix qui m'appelait à Rome, moi, transfuge ingrat d'un ourang, où je me sentais prêt à m'élancer, traînard que j'étais, mais éclairé tout à coup, je le crus par un secret reproche qui me fit cacher mon front sous mes mains. Et tout était là, éparpillé, comme quand un garçon veut mettre de l'ordre et ranger sa chambre. Voilà tout à coup qu'un de mes amis, un sculpteur plein d'amour pour les festins, s'en vient frapper de toutes ses forces à la maison de la veuve et m'enlève tout vif pour me transplanter assez mal vêtu au milieu de tous ces lustres, de toutes ces fleurs, de cette foule déjà entre ciel et terre que je regardais à travers un vague rêve de Rome et de départ qui m'agitait jusqu'au frisson. Quel ennui, disais-je, voir danser, quel beau plaisir! Et je me sentais l'un des invités le plus taciturne, le plus désœuvré, tournant sans but, sans grâce, sans vocation pour le plaisir, aussi embarrassé des autres que de moi. Elle vint au-devant de mon indécision. Elle me prit le bras. Elle riait, elle voulait du bonheur. « Je veux danser, dit-elle. Léonard, faites-moi danser. Vous serez mon cavalier toute la nuit. Allons vite, Léonard, un moment d'oubli, un moment de joie. J'ai bien assez pleuré, j'espère. Je veux danser. » Je la regardais avec étonnement. Je ne la reconnus pas. Elle était grande, grande, et fluide et belle. Oh, c'était étrange de voir tout à coup quelque chose de si beau, de si lumineux, de me sentir tout à coup enchaîné sous ce bras de femme qui s'appuyait sur mon cœur et qui le prenait comme s'il eût ouvert ma poitrine. J'eus un vertige, presque peur. Je me sentis tourner, frémir, et je me trouvais sans savoir comment, mêlé, entrelacé dans une contredanse que j'entravais par mes figures de l'autre vie, car je dansais comme dans un rêve. Elle avait pitié de moi. Elle me poussait avec une colère, une grâce et un rire si plein de bonté que je riais moi-même, nonobstant la plus forte envie de pleurer qui ait jamais étouffé un malheureux jeune homme qui devient à son insu l'amant, l'esclave de la plus innocente, de la plus belle et de la plus indifférente des maîtresses. Chaque fois que je touchais sa main, je croyais que le bal s'écroulait ou que les lampes s'éteignaient, et je la regardais si plein d'effroi, de surprise, qu'elle m'aurait battu si à la fin elle ne m'eût jugé malade. « Reposons-nous, me dit-elle, car la tête vous tourne. Vous avez dansé tout de travers, mon Dieu, Léonard. Je crois que vous l'avez fait exprès. » « Non, lui dis-je, c'est comme cela, je suis naturellement comme cela, comme je n'ai été de ma vie. Il me semble que le parquet tremble, et je m'approchai d'une fenêtre ouverte pour prendre l'air. En sortant de ce bal, elle s'appuya encore sur moi. Je subis son poids sans dire une parole. Je rentrai pâle dans ma petite chambre déserte, et quand mes papiers épars m'eurent fait repenser à mon voyage de Rome, l'image de son amant ambitieux, de son amant aimé, s'éleva devant moi, remplit toute la route pour m'en barrer l'accès comme une grande ombre qui me fit tressaillir, et je plongeai ma tête au fond de mes cartons, où je restais abîmé à écouter battre mon cœur, comme une cloche de mauvais augure. Le lendemain, il me fut impossible, comme je passais devant la chambre de Marianne, d'y frapper comme à mon ordinaire, et de lui crier bonjour à travers la serrure. Je m'arrêtai devant cette porte. J'y posai mes mains et ma poitrine. Je serais tombé là, dans une rêverie interminable, si la porte ne se fût brusquement ouverte. « Tiens, j'ai eu peur. C'est vous, Léonard ?» dit-elle, déjà éveillée comme le jour qu'elle remplaçait pour moi dans ce corridor noir, qui n'éclairait aucune fenêtre. Au lieu de lui répondre et de rire un moment avec elle, comme par le passé, je descendis les escaliers 4 à 4, bien plus en peine de me sauver d'elle que de ce qu'elle allait penser de moi. Je courus ainsi jusque dans la rue Saint-Jean, où la ville m'avait permis d'établir, sans le payer, un atelier vaste et beau, dans une maison d'émigrés, qui n'avait plus ni meuble ni maître. C'était un peu comme ce grand couvent, vide, sonore, mélancolique, ce jour-là surtout. Je n'y reconnaissais pas même les fleurs de mon immense jardin, dont j'étais le seul jardinier, le seul promeneur, et où j'aimais tant naguère à chanter à haute voix. J'arpentais les allées, le parterre, je remontais dans mon atelier, je redescendis pour me fuir, oubliant d'aller déjeuner chez mon frère, comme je le trouvais si doux chaque jour, et je m'appuyai contre une vieille statue brisée, dont le marbre froid était bon sous mon front qui brûlait. J'y sentais battre un marteau qui retombait sur toutes mes artères. Enfin, je me crus frappé d'une plaie profonde. Je vous prie de croire que je n'avais pas tort. La plaie ne saignait pas au dehors, mais ce mal enfermé, qui ne devait être connu que de moi, allait s'envenimer et me rendre le plus malheureux des hommes. Tout ce qui se passa dans mon existence depuis ce fatal éblouissement, ou pour mieux dire depuis que cet incendie, recouvert dans mon âme, se répandit par tout mon corps, ne fut qu'une suite continuelle de combats, d'insomnies, de craintes, car il y a toujours de craintes dans un grand amour. Cette faible et inoffensive créature, qui se réjouissait de mon voisinage, parce qu'il la faisait dormir avec moins de peur des revenants, me jetait dans des terreurs à me couper la voix et la vie. Il y avait des jours où je ne l'aurais pas regardé pour un empire, dans la certitude de tomber mort de ses yeux, les seuls où j'ai vu cette sentence de feu, qui me rendait insensé. Je tombais dans 1000 bizarreries, qui tantôt faisaient rire Marianne, et tantôt la mettaient dans des indignations qui me faisaient à moi, je l'avoue, plus de bien que son rire à belles dents de perles, car il ouvrait avec une candeur barbare toute sa bouche, la plus charmante et la plus rose, d'où se soient jamais échappées les paroles railleuses d'une femme, qui jamais, jamais ne doit répondre à un mot, un seul devenu pour moi, tout l'alphabet, ce mot vivant, doux et terrible, flottant sans cesse entre elle et moi. Ce qui m'a toujours confondu, c'est qu'elle ne l'entendit pas, qu'elle ne le vit pas, écrit partout où je respirais devant elle. Je le lisais dans l'air, moi, jusqu'à m'en faire devenir aveugle, et si j'osais attacher ma vue sur cette belle tête de vierge souffrante, je le lisais encore au milieu de ses traits pleins d'amour et d'attente. Pour un autre, si ce n'est pas la souffrir, je ne m'y connais pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est que j'aurais préféré tout autre supplice à celui-là. Il m'était trop redoutable, trop impossible à porter. Il me semble que la révélation sincère d'une si triste maladie serait une leçon bien charitable pour un cœur menacé qui pourrait l'entendre. Si on entend au fond de cette frénésie sourde et muette comme la tombe, oh quelle tombe ! Jusque-là, toutefois, j'avais courageusement enfermé mes 7 épées au cœur et je dépensais mes heures, les jetant à pleine main au nez du malheur, qui me fustigeait ainsi sans que personne, pas même ma mère, soupçonnât cette demi-aliénation. J'ai pensé souvent que l'amour n'était pas autre chose, je veux dire l'amour malheureux, le seul auquel j'ai goûté. Pour l'autre, il ne fut jamais de ma connaissance. Un matin, quelle fut mon épouvante, ma joie ou mon désespoir, je ne sais encore lequel. J'étais seul dans ma rue Saint-Jean. J'avais mis entre elle et moi des maisons de longs murs rêveurs, des églises, des jardins, et mes verrous. Je pouvais pleurer, chanter ou maudire, sans que personne m'entendît. Eh bien, croiriez-vous, je ne pleurais ni n'accusais personne. Cette entière liberté me permit de peindre avec calme. Mes pinceaux couraient, ma tête était légère. On eût dit que ma vie d'amour fut accrochée à l'aile de quelque ange invisible. Repos, repos. Je n'osais crier victoire dans la crainte de m'éveiller. un ruisseau d'huile d'amande ne m'eût pas fait un bain plus délicieux. Les gonds dont la grande porte cochère, que je n'avais pas refermée, tournent d'abord avec lenteur. Quelque enfant, peut-être, qui regarde de loin mes roses et qui fait semblant d'oublier l'heure de l'école. Mais on monte mon escalier dérobé. On frappe. Qui est là? Moi, Léonard. Je crus que l'on me tirait un coup de pistolet dans le milieu du front. C'était elle. Elle, mon oncle, toute seule? Vous allez voir, dans le désordre subit de mes esprits, je me penche au trou de la serrure, et je crie bêtement. « Je n'y suis pas !»« Comment vous n'y êtes pas » répliqua-t-elle en colère. « C'est un peu fort. Voulez-vous bien m'ouvrir, Léonard ? Je vous déclare que je le veux. Je viens vous demander un service. » La porte fut ouverte. « C'est joli, » dit-elle en entrant, sans rien voir de ma pâleur et de mon tremblement. Et elle s'assied en promenant un regard plein de préoccupation sur tous mes instruments de peinture, qui lui rappelaient de l'ange. Hélas, je savais que l'odeur même de l'essence et des couleurs à l'huile, dont tant de femmes ont horreur, lui causait toujours une émotion profonde et ravissante. « Léonard, je suis venu pour m'expliquer avec vous. Il se passe quelque chose. Avez-vous sujet de vous plaindre ? À peine si vous nous parlez depuis je ne sais combien de temps. Ma mère n'est-elle pas bonne pour vous ? Et ne suis-je pas comme ma mère ? Nous vous soignons, nous avons pour vous mille égards. C'est tout simple, vous aimez de l'ange, et c'est lui qui vous habille dans sa chambre. Aurez-vous un reproche à lui en faire ? L'hiver, du feu dans votre poêle, du thé le soir comme à de l'ange. L'été, du lait le matin, des fleurs tant qu'on peut vous en procurer. De l'ange les aimait. Je pense aussi qu'elles doivent aussi vous être agréables. Et puis c'est un souvenir pour moi. Il me semble que c'est toujours sa chambre, que c'est toujours pour lui que j'arrange et que j'arrose ses fleurs. Merci, murmurai-je, du bord de mes lèvres glacées. Ce n'est pas pour être remercié, Léonard, mais il nous a recommandé de vous bien traiter. Ne l'avons-nous pas fait ? Voyons, répondez. Car toutes ces bouderies-là ne me conviennent pas. J'ai bien assez de mes peines d'amour, sans être mal avec vous, et sans savoir pourquoi. Enfin, que vous ai-je fait ? Et ses yeux, animés d'un ressentiment et d'une inquiétude sincère, n'avaient pas quitté les miens, qu'ils fascinaient. Cette fatale pelisse bleue l'enveloppait encore. Oh, elle avait une rage de ce vêtement que de l'ange avait porté. On mourait de chaleur, et il lui fallait sa pelisse. Ses deux belles mains sortaient de dessous et se joignaient, comme dans la prière, tandis que sa voix me grondait et me brisait sans le savoir. En attendant ma réponse, elle tirait avec quelque impatience les dentelles de ses mitaines de filets roses, et reculait en arrière à la forêt de cheveux bouclés qui inondait ses regards intrépidement fixés sur moi. J'examinais mon sort dans cette créature adorable et simple. J'appelais Dieu et tous les saints à mon secours. Si je parlais, je sentais que j'étais perdu, et que j'allais me raconter sans y manquer un mot. Dans ma stupéfaction, j'eus assez de présence d'esprit pour me sauver par l'acte le plus ridicule que j'eusse commis encore, et je n'en étais pas avare. Je la saisis tout à coup par ses deux mains de dentelle, et je la fis danser de force, sur le premier air qui me revint dans la mémoire. Je crois, Dieu me pardonne, que c'était la Saïra, fameuse horreur qui avait épouvanté les rues de toute la France. Surprise, effrayée peut-être, elle ne put résister pourtant à tourner avec moi, car j'y allais de bon cœur et en désespéré. Le fou rire s'empara d'elle, et en me criant « Grâce, Léonard, grâce, c'est abominable !» sa douce voix tremblante s'éteignit, et elle défaillit sur une chaise, où je la regardais longtemps, riant moi-même à mourir, comme si j'eusse été le plus fortuné des hommes. Je la repris alors par ses deux mains, immobile, craignant de lui avoir fait mal, redoutant de plus qu'elle ne recommençât à vouloir une explication sur mes bizarreries, dont je frémissais de me confesser. Je l'entraînais au grand jardin solitaire, mais où regardait une foule de fenêtres ouvertes, qui me paraissaient d'autant d'yeux surveillants et gardiens de ma raison. Marianne s'y laissa descendre, car je l'y portais presque, et plus sérieuse, mais plus contente. Elle me dit avec douceur, « C'est bon, Léonard, me voilà tranquille sur votre amitié, du moins. Je vois que vous êtes un original, mais je suis bien sûr que vous n'avez pas de haine contre moi. » Ce mot me rendit au réel de mon sort, et je me détournai, lui montrant, au lieu de répondre, un rosier magnifique, qui jetait alors toutes ses fleurs, comme pour le lui offrir. « Bah, c'est pour ne m'avoir aucune obligation de mes fleurs, peut-être. Je vous crois un peu ingrat, Léonard. Mais je ne suis pas fier, moi, et Dieu ne peut choisir une main plus agréable pour me les rendre. » Après ce beau compliment, elle courut au rosier et le soulagea d'une partie de son poids. Il était assez haut pour m'empêcher de la voir. Mais je l'entendais presque respirer en tournant alentour de l'arbuste, où je pouvais me figurer qu'elle me poursuivait. Que ne rêve-t-on pas, pourtant, quand ses mains furent pleines de roses, elle s'éloigna paisible, mais je m'aperçus que sa main saignait, et je ressentis une douleur aiguë dans la poitrine. « Ah, Marianne, m'écriai-je hors de moi, vous ne voyez donc pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Dit-elle en écartant les roses avec défiance, comme s'il y eut quelque chenille au milieu. « Vous êtes blessé, criai-je. Allons, vous êtes fou, Léonard. Extrêmement tout, dit-elle riante, et rassemblant ses fleurs, voilà grand-chose. « Il faut maintenant parler d'affaires, poursuivit-elle gravement, en se posant au bord de l'embrasure d'une vaste croisée. Nous passions alors sous le corridor vitré qui nous ramenait vers la grande cour. « Voyons, Léonard, avez-vous bientôt fini de perdre votre temps comme vous faites ? Vous avez 22 ans, et vous ne pensez pas à l'avenir. Je vous déclare qu'on y pense pour vous, moi, et qu'il est bien résolu entre moi et quelqu'un qui ne vous hait pas. Qu'il faut qu'avant 15 jours vous soyez marié ou parti. « Marié, moi ? Je n'aime rien, répondis-je, en m'éloignant pour m'appuyer un peu contre la muraille, car je n'avais pas une goutte de sang dans les veines. On le sait bien, Léonard, mais on vous aime, vous, et savez-vous où vous avez fait une conquête ? Mais je dis charmante et riche encore, à ce bal, où vous étiez malade et pâle comme la mort, si peu soigné, sans reproche, et où vous avez dansé à bouleverser les plus solides. Enfin, cela n'a rien fait, comme vous allez voir, car mademoiselle Fanny Aubrin, fille unique, héritière de bonne rente, a déclaré à son père, qui l'aime comme ses yeux, qu'elle voulait de vous, qu'elle ne voulait que vous. Et le père est venu lui-même vous chercher pour faire le portrait de sa fille. C'est le prétexte, entendez-vous, Léonard ? Comment ? Quoi, mademoiselle Fanny ? Cette riche demoiselle qui porte toujours un énorme bocage sur sa tête ? Ah, vous rêvez, Marianne ? Je n'en voudrais pas quand elle serait reine, quand elle serait pauvre, mon Dieu, non. C'est vous qui rêvez, Léonard. Elle porte un peu trop de fleurs à la fois, c'est vrai. Mais sous ce que vous appelez un bocage, elle a de très beaux cheveux, et 6 000 livres de rente, c'est beau aussi. Alors dis-je, impassible contre le mur, qu'elle garde ses rentes et ses cheveux, je n'en veux pas. C'est bien raisonnable ce que vous répondez là. Encore si vous étiez amoureux, vous, on comprendrait ce refus. Quand le cœur est donné une fois, c'est jusqu'à la mort. Enfin, ferez-vous le portrait ? Non, Marianne, je respecte le père et la fille. Je vous prie de ne pas en parler davantage. Vous allez donc penser à vos préparatifs de départ, car votre sœur et moi, Léonard, nous avons résolu que vous seriez à Paris dans 3 semaines, à moins que vous ne renonciez à la peinture, en épousant cette bonne demoiselle Fanny Aubrin. Votre mère vous aime, c'est très bien. Votre frère ne peut vivre heureux sans vous, à la bonne heure. Mais tous ces amours dont Lance n'avancent à rien. Je vis bien sans ce que j'aime le plus au monde, moi, dit-elle amèrement. Pourquoi donc les autres auraient-ils moins de courage que moi ? « Je veux que vous partiez, Léonard. C'est un complot entre moi et votre belle-sœur qui est raisonnable. »« Vous êtes affreuse de me parler ainsi, » m'écriai-je, oubliant toutes mes résolutions. « Osez dire que vous auriez quitté Delange la première. Vous, osez le dire ?»« Mon pauvre Léonard, » répliqua-t-elle d'une voix moins sûre, « il ne faut pas me tenter. Ne me demandez pas cela, c'est grave, voyez-vous. Et Dieu seul, oh non, je ne l'aurais pas quitté, moi. Je serais morte avant. Mais ce n'est plus cela avec vous. » « Rien ne vous aime ici à ce point. Et vous, surtout, vous n'aimez rien. »« Taisez-vous, » dis-je en l'interrompant, « vous perdez l'esprit. Il faut être bien folle de l'amour d'un homme pour ne pas s'apercevoir qu'on en fait mourir un autre. Je vous aime bien autrement que vous n'aimez vraiment. Je vous idolâtre, moi, Marianne, et depuis un an, depuis toujours, sans doute. Et vous me chassez, vous m'envoyez à Rome, où vous n'êtes pas. Vous faites un complot de mariage contre moi, comme les enfants qui jouent avec des boules de neige. » Et qui y cache des cailloux, pour faire du sang, j'ai vu cela, et vous me croyez fou ? Cela vous fait rire, un original comme moi, et vous venez me faire des reproches, me traiter d'ingrat, ingrate fille. Et quand je vous donne toute l'âme qui m'est descendue du ciel pour vous adorer, vous m'apportez votre estime. Ah, c'est une belle gaillarde que l'estime, pour servir de contrepoids à un amour comme celui que vous m'avez jeté, Marianne. C'est un dictame bien calmant pour surmonter les palpitations, que je renferme avec un courage de lion. Allez, cruelle, donnez votre estime à votre amant, puisqu'il a votre amour, donnez-lui tout. Moi, je n'ai que trop de votre simple image pour passer une vie de rage et de solitude au milieu d'un monde que je me mets à haïr de tout l'amour inutile que je vous porte. Venir me parler de Rome ? Qu'ai-je à faire là ? Y êtes-vous ? Y viendrez-vous ? Et si vous y veniez, serait-ce pour moi, pour m'apporter votre estime ? J'aurais mieux partout. Je vous aurai vous-même toute vivante et toute entière dans ma mémoire. La peinture, Marianne, c'est vous. L'avenir, le soleil, la gloire, l'air, c'est vous. pourquoi me faites-vous partir pour Rome? Ce jardin me suffira bien. Allez, songez à vos amours, et laissez-moi aux miennes. Mais, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Dis-je en m'interrompant avec effroi. Vous ai-je avoué que je vous aimais, Marianne? Que diable êtes-vous venu faire ici? Je n'allais pas vous chercher. Je vous fuis depuis assez longtemps, je pense aussi. Je ne vous demande pas pardon, car je vous ai dit tout cela sans m'en apercevoir. Marianne me regardait stupéfaite et pâle. Jamais j'aurais parlé un jour entier qu'elle m'eût écouté les yeux immobiles. Quand j'eus fini de délirer, elle me souleva lentement de l'embrasure de la fenêtre, où un instinct de pudeur l'avait niché durant ma révélation, et d'une voix qui tremblait un peu, mais où je sentis une bonté, une pitié atterrante. « À revoir, dit-elle, à revoir, Léonard. J'étais donc plus malheureuse encore que je ne le pensais, pauvre Léonard. Je vous plains, c'est une grande et triste maladie que nous avons là. » Elle gagna seule la grande porte, l'ouvrit, la referma, en oubliant ses roses, sur lesquelles je pleurais toutes les larmes qui m'étouffaient. Je me rends maintenant compte d'une chose, c'est que ce jour, tout terrible, tout privé d'espoir qu'il était, fut mon seul beau jour dans mes siècles de purgatoire et d'expiation. Le ciel s'était entrouvert, et je n'étais pas entré, mais j'avais osé frapper à la porte, et plonger de toute l'énergie de ma douleur dans les délices qu'il m'était interdit de goûter jamais. J'avais dit « Je vous aime ». Je l'avais crié avec angoisse, amertume et convulsion. Mais elle savait mon malheur. Elle en avait pâli, et comme un malade, j'en sautais de joie dans ma fièvre. Je pressais mon cœur comme pour en extraire toute l'absinthe qui l'avait inondée, et je le sentis plein d'une inexprimable reconnaissance envers Dieu, car il venait de me délivrer d'une horrible surveillance, comme si j'eusse gardé là quelque trésor confié à ma vigilance, quelque arbre défendu, ou plutôt le serpent qui me mordait incessamment le sein pour sortir et me perdre. J'étais perdu, c'est vrai, mais je ne tournais plus autour de l'abîme. J'étais au fond, regardant Marianne et criant au ciel « Je l'aime, au fait. Ce moment-là vaut bien toute une vie ».